Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille. Heureux de vous retrouver ce soir autour d'œuvres sonores imaginées autour du vélo. Vous avez bien entendu la bicyclette. Vous connaissez l'expression « mettre l'épaule à la roue », histoire de déployer des efforts communs pour atteindre un but. Eh bien, ce soir, on va plutôt mettre l'oreille à la roue de bicyclette, histoire d'écouter des œuvres sonores qui ont pour dénominateur commun d'entretenir avec la bicyclette un lien de continuité artistique. Et je m'explique. Le vélo, et plus spécifiquement la roue de bicyclette, trône depuis le début du 20e siècle dans l'univers des arts. Je vous le donne en mille. On pense évidemment à la roue de bicyclette de Marcel Duchamp, 1918, la tête de taureau de Picasso, 1936, la Greyhound Chair de Mark Lewis plus récemment, ou encore l'immense sculpture Forever Bicycle composée de 720 vélos du chinois Weiwei qu'on peut contempler à Abu Dhabi. Avec les années, à fréquenter le monde des arts sonores, j'ai réalisé le même phénomène, à savoir que la roue de bicyclette ou bien le corps du vélo constituaient les motifs de nombreuses performances artistiques et d'œuvres sonores. On y retrouve des environnements percussifs, des expérimentations sonores proprement dites, des sculptures cinétiques, des manœuvres philosophiques et des dispositifs interactifs qui sont construits autour de la roue de bicyclette. Je vous propose donc ce soir une exploration de cet univers sonore et musical complice de la bicyclette à partir d'une sélection d'œuvres réalisées notamment par le collectif Quader et les artistes Kate Carr, Sonia Passorokia, Rob Fry, Anders Lind, Mikael Belinsky, le duo et Verdé, et j'en passe quelques-uns. Cela dit, je vous propose qu'on débute ça avec l'artiste new-yorkais Stephen Meyer-Ding, qui nous propose Bicycle Sounds. C'est tiré d'un court-métrage qui vous rappellera bien des souvenirs d'enfance. On écoute ça. Thank you. Ça donne le ton. Les artistes Keith Carr et Cheryl Chung ont réalisé un projet intitulé Cycling, dans lequel elles examinent leurs villes respectives de Londres et de Taipei à travers le prisme du vélo comme objet économique et instrument sonore. Keith Carr raconte d'ailleurs à ce sujet avoir observé le boom de la demande de vélos durant la pandémie, Taïwan étant l'un des principaux producteurs mondiaux de vélos, dit-elle. J'ai découvert de nombreux liens entre Londres et Taipei forgés grâce à la fabrication de vélos et de pièces de vélos. Par pure coïncidence, dit-elle, mon propre vélo est produit par la société taïwanaise Giant, le plus grand fabricant de vélos au monde. L'œuvre a été réalisée avec un vélo, un micro-contact, un géophone et des enregistrements conventionnels avec micro. Il contient également des enregistrements sur le terrain, du paysage, de la rue à Londres et à Taipei, réalisé cela par Cheryl Chung. On écoute donc un extrait de ce projet intitulé Cycling qui résulte d'une résidence en ligne reliant des artistes britanniques et taïwanais. Alors, on vient d'entendre un extrait d'une pièce intitulée Cycling, réalisée par Cheryl Chung et Kate Carr. L'artiste américain Rob Fry a réalisé, quant à lui, en 2010, un projet intitulé Flux Bikes. Le projet, dit-il, tourne autour de cette idée d'utiliser les roues du vélo comme instrument de percussion, incorporant des rythmes de musique, des sonorités de guitare, saxophone, carillon de vélo, tout ça couplé à des techniques électroacoustiques et des improvisations. J'utilise des micros de contact pour amplifier les petits sons d'objets du quotidien, ce qui transforme essentiellement n'importe quel objet en un instrument amplifié, raconte-t-il. Cela m'a conduit à composer des musiques répétitives et rythmées sur des roues, pneus de vélo. On écoute ensemble trois extraits des travaux sonores de Rob Fry, c'est tiré des albums Flux Bikes et autre album Out and Back. Alors, on écoute ça. Thank you. Voilà, beau projet de Rob Fry, artiste américain. Le collectif montréalais Quadère s'est particulièrement illustré il y a quelques années avec sa performance intitulée Cycle, une performance construite sur la base d'un dispositif sonore régulé par un jeu de roues de bicyclette. On a pu voir ça au Moi Multi en 2016, une œuvre électroacoustique qui explore les possibilités sonores et visuelles induites par la manipulation de roues de vélo. Les instruments de performance sont une référence au ready-made et à la roue de vélo de Marcel Duchamp. Les musiciens jouent sur des roues de vélo modifiées avec lesquelles ils créent une grande variété de sons électroniques allant de graves aux harmonies de cordes, disent-ils, de cordes inclinées. Quadère est formé des artistes Alexis Langevin-Tétrault, Pierre-Luc Lecourt, Myriam Boucher et Luca Paris. Alors, on écoute un extrait de leur projet. Voilà le projet Cycle du collectif Quadère. Anders Lind, c'est un compositeur suédois. Il explore et exploite lui aussi la roue de bicyclette comme instrument de régulation interactive et sonore. plutôt que pianoter, on actionne la roue pour transformer le son à partir de techno interactive. Il a créé, en collaboration avec le département des études créatives de l'Université Umeå, une œuvre à partir de vocalises d'un chœur musical. On dit que les auditeurs sont conviés à un voyage musical au-delà de l'attendu. Alors, on écoute un extrait de ce travail réalisé à partir de la roue, de la manipulation de roues de bicyclette. Cette fois, dans une perspective totalement différente, on est à l'automne 2015. Les artistes Roberto Verde et Géraldine Py entreprennent un voyage en vélo à la recherche des artistes, des cinéastes, écrivains qui les ont fascinés depuis leurs études jusqu'à aujourd'hui, ce qu'ils appellent notre famille de pensée. Ils ont rencontré les plasticiens Michel Blasi et Romain Signé, l'écrivain Alessandro Baricco et le cinéaste Ettore Scola. Ils ont traversé la France, la Suisse et l'Italie, 2400 kilomètres au total, découvrant les joies et tribulations du cyclisme d'aventure. Un deuxième pèlerinage s'est déroulé en 2019. De ces pèlerinages artistiques en résultent des récits sonores restitués sous plusieurs formes, dont la création radiophonique. Je vous propose qu'on en écoute un extrait de ce beau projet intitulé « Une famille de pensées ». C'est réalisé par le duo Py et Verde. Roman Signer est un homme heureux, tellement heureux qu'il rit de lui-même. Peut-être qu'il rit tout seul dans son atelier parfois, content de la nouvelle tentative, du dernier artifice. Sa joie est celle de celui qui s'en est tiré une fois de plus indemne. Quand on est son propre danger, l'existence ressemble à une suite insoluble d'instants aussi terrifiants qu'hilarants. Ce qui, en retour, doit amuser Alexandra, sa complice. Le bonheur est une petite chose, disait Trilussa. Roman a décidé de partager son bonheur, sa vision optimiste du cosmos. Peu importe que les étoiles tombent, quand leur fin est annoncée par une explosion. Roman Signer est un bricoleur affairé, un inventeur de garage qui admire autant Tesla que les vaches suisses. Nous avons longuement parlé des longs cils et de la robe gris-bleu luisante de certains des plus beaux spécimens croisés le long des routes de son pays et qui, pour ne rien gâcher, nous rappelaient tant les braques de William Wegman. Nous racontions alors la vidéo de cet artiste dans laquelle il imite avec les plis de son ventre une bouche d'homme-tronc. Signer riait. Dans son garage, une ancienne voiture polonaise rouge en excellent état, peu surprenant étant donné l'épaisseur de la carrosserie, côtoie un Apetto, le triporteur Piaggio de 150 cm3. Celui-ci est dressé comme un obus visant tout droit le plafond. Deux étages le séparent du ciel ouvert, mais à part ça, c'est vrai que c'est aussi une manière géniale de le ranger. Au début, à Saint-Gallen, le seul Ape était le sien. Puis il a été victime de son succès et des imitateurs sont venus lui voler la vedette. Trop tard aujourd'hui pour qu'il puisse réclamer un sponsor à Piaggio, car entre-temps, Valentino Rossi a déjà relancé l'image du véhicule. Alors voilà ce qui complète la première demi de l'émission autour des avatars sonores du vélo et de ses composantes imaginées, performées par les artistes d'aujourd'hui. Je vous reviens très vite après un bref battement en promo. CKRL 89.1. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors, on est de retour, c'est La Croche-Oreille jusqu'à 22h. Je vous rappelle que vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille. C'est facile à trouver sur la toile. Pour cette deuxième demi, j'enchaîne la suite de cette brève incursion dans cet univers sonore et musical qui est complice de la bicyclette, du vélo, par l'usage que font les artistes sonores de la roue de bicyclette ou bien encore du corps, du vélo, pour créer des œuvres qui s'en inspirent et ou encore qui en tirent leur singularité technique ou technologique. Et je vous propose qu'on poursuive ça avec un duo électro-acoustique basé en Belgique et aux Pays-Bas, composé de Jorded Leitinen et de Patrick Bossink. Le projet intitulé Deprecated est le résultat d'une résidence à Rotterdam durant laquelle ils ont exploré le domaine des sons obsolètes et indésirables en expérimentant divers synthés combinés avec des roues de vélo synchronisées à des logiciels. Les roues de vélo, disent-ils, ouvrent de nouvelles possibilités sonores aux musiciens, mais fonctionnent aussi comme des éléments perturbateurs. En tournée, Leitinen et Bossink empruntent toujours un vélo à un local qu'ils préparent ensuite pour le concert. On écoute donc une pièce intitulée Spoken, c'est tiré de l'album Deprecated. Thank you. L'artiste Sonia Pasurokia participait en 2010 à un spectacle intitulé Bicycles and the Arts, un événement multidisciplinaire qui se déroulait pendant le 5e festival annuel des arts de Chicago. Bicycles and the Arts explore de manière créative les liens entre ces deux éléments de la culture et de la société, les arts et le vélo, à savoir la bicyclette pour se déplacer et l'art pour s'enraciner quelque part dans l'imaginaire. Sonia Pasurokia a réalisé pour l'occasion une performance sonore avec roues de bicyclette assorties d'instruments divers, cuillères, fourchettes et archets de violon. Alors on écoute un extrait de son projet intitulé Going Away, improvisation pour bicyclette solo. Thank you. Mikhaïl Bilinski proposait au public montréalais il y a quelques mois un spectacle intitulé Warm Up, un projet dont l'univers scénique se résume à quelques appareillages sportifs, dont la bicyclette. Alors, face au réchauffement climatique, dit-elle, un échauffement de survie s'impose, produire son électricité avec son corps grâce à un vélo branché à une batterie. Seul en scène, Mikhaïl pédale pour qu'il y ait spectacle, mais jusqu'à quand? Alors, confrontée aux effondrements, elle explore les décroissances nécessaires pour éviter l'épuisement et guérir. Entre performances sportives, manifestes, concerts et méditation, Warm Up dénonce les exploitations permises par la surconsommation et esquisse, l'air de rien, les contours d'une écologie durable où la nature n'est plus seulement qu'une ressource. Parce que la surchauffe, dit-elle, des corps est corrélative à la surchauffe de la planète. Il ne suffira pas de se décarboner, il faudra s'exercer à se transformer. Alors, on écoute un bel extrait de ce projet intitulé Warm Up. Vélo, guidon, frein, banc, pédalier, dérailleur, réflecteur, pédale, plastique, polymère, monomère, naphtha, pétrole raffiné, gisement, lac, pneus, caoutchouc, arbre, forêt, cadre de vélo, aluminium, alumine, minerai de bauxite, roche, montagne. Thank you. Alors, c'était Michal Bilinski tiré de son projet intitulé Warm Up. L'artiste américain, concepteur sonore Kevin Gamble, il a travaillé dans divers domaines de l'ingénierie, du son et de la post-production à titre de concepteur d'effets sonores pour longs métrages, documentaires, films d'animation et j'en passe. Il a produit un album intitulé Bicycle qui regroupe des prises de son sur le terrain de trajectoires et d'environnements explorés à bicyclette. Alors, on écoute une pièce intitulée Continuous Run on Gravel. C'est tiré de l'album Bicycle. Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie de ces artistes qui ont créé des œuvres sonores autour du vélo, de la bicyclette et aussi de ces paysages déambulants. Vous retrouverez le détail des pièces entendues ce soir sur le site Lacroche-Oreille, facile à retrouver sur la toile ainsi que toutes les émissions pour écoute quand ça vous dit. Voilà, pour compléter la soirée, on écoute une pièce du duo électroacoustique composé de George Leighton et Patrick Bossing, qui s'est tiré du projet intitulé Deprecated, projet largement inspiré du potentiel de la roue de vélo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre aventure sonore. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue.